moi que je vais être avec vous autres. On va parler du Saint-Esprit. Et c'est un... Il y avait quelqu'un qui avait dit, quand tu vas dans un parc le soir et que tu vois une statue qui est illuminée, tu penses rarement à la lumière qui l'éclaire. Tu vois la statue, tu dis, c'est une belle statue. Mais c'est grâce au spot, comme on dit en québécois, à la lumière que tu vois la statue. Et le Saint-Esprit a un peu le même rôle dans la Bible. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de s'éclairer lui-même, mais son rôle, c'est qu'on voit Dieu le Père et le Fils. Mais on pense rarement au Saint-Esprit. Je parlais avec Patrick ce matin à déjeuner, il dit, c'est rare qu'on est conscient, qu'on dit, wow, Dieu habite en moi, puis le Saint-Esprit est en... C'est rare qu'on est conscient comme cela. Mais pourtant, il est là. Il fait une œuvre. Et ce que j'aimerais qu'on parle dans les mois qu'on va être ensemble, que quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit, il l'a envoyé avec une mission. Et c'est cette mission-là que lui va accomplir en nous et dans le monde. Et c'est intéressant qu'on puisse s'arrêter et penser un peu, mais c'est quoi cette mission-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire en moi? Et est-ce que ça dépend de moi s'il va le faire? Ou s'il va réussir à le faire malgré moi? C'est intéressant de se poser la question pour nous, les croyants, qui avons le Saint-Esprit en nous. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, quand Dieu a créé le monde, et l'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu, Dieu a donné la loi, et vous vous souvenez que si vous lisez ces livres-là, quand Dieu a donné la loi, vous voyez la difficulté. Israël, qui est le peuple de Dieu à ce moment-là, a de la misère à faire la loi, n'arrive pas à faire la loi, devient idolâtre malgré qu'ils ont la loi. Et à un moment donné, Dieu dit, dans l'histoire, à un moment donné, je vais envoyer mon esprit et mon peuple va faire ma joie. Vous voyez, il dit, la loi n'a pas fait ce que je voulais, entre guillemets, mais il dit, un jour, dans la Nouvelle Alliance, je vais envoyer mon Esprit Saint, et mon Esprit Saint va habiter dans le cœur de mon peuple, et mon peuple va faire ce que je veux. Et des fois, on ne s'arrête pas assez cette pensée que Dieu a. Je vais envoyer mon Esprit Saint, et mon Esprit Saint a une mission à accomplir, et il va l'accomplir, cette mission-là. Quand Dieu a envoyé Jésus, il l'a-tu envoyé avec une mission? Ben oui, Jésus avait une mission à faire. Jésus est venu avec un plan, avec une idée, avec un projet. Et malgré toute l'opposition humaine, toute la haine humaine, tous les péchés humains, même le monde spirituel invisible s'est acharné contre ce plan-là, mais pourtant, Jésus a fait sa mission. Il l'a accompli, est-ce qu'on pourrait dire parfaitement? Ben oui, il l'a accompli parfaitement. Là, il dit, maintenant, quand Jésus part, il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Il a aussi une mission. Et il va la faire parfaitement. Malgré toute l'opposition, malgré tous les combats, malgré tous les péchés de l'Église, malgré toutes les difficultés de l'Église, malgré tout ce qu'on peut imaginer et penser de pire, il va accomplir sa mission. Parce qu'il y a une mission qui lui a été confiée, si on peut le dire, par Dieu. Donc, c'est ça qu'on va regarder un petit peu en s'en allant dans nos études sur le Saint-Esprit, que c'est quoi la mission, puis qu'est-ce qu'il va faire, comment il va le faire, quelle interaction qu'il y a avec nous là-dedans, pour qu'on puisse... puis moi, quand je pense à ce sujet-là, de ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans l'Église, ça fait deux choses en moi. De la paix et de la joie. De la paix et de la joie. Ça ne m'amène pas de la culpabilité, ça ne m'amène pas un fardeau, ça ne m'amène pas de me décourager, ça fait le contraire. Ça m'encourage, ça m'amène à avoir de la paix en dedans de moi, ça m'amène à avoir de la joie parce que la mission dépend de celui qui l'amène, qui est le Saint-Esprit. OK? Si vous voulez tourner dans vos Bibles ou regarder en avant sur l'écran, dans Jean chapitre 7, verset 38, Jésus dit quelque chose de vraiment spécial par rapport à l'Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit que cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Donc Jésus, il dit ici, ceux qui vont croire en moi, à cause de l'Esprit Saint qu'ils vont recevoir, des fleuves d'eau de vie vont couler de ce sein-là. Pas dans mon sein, mais ils vont sortir de mon sein. Donc, il dit, l'Esprit va venir habiter dans le croyant, dans ceux qui croient en moi. Donc, si nous croyons en lui, il nous donne le Saint-Esprit, et à partir de ce moment-là, il y a un fleuve de vie qui coule en nous et de nous. Et ça ne va jamais arrêter. Jésus a dit la même chose à la femme samaritaine. Si tu bois de l'eau que je te donne, il va naître en toi une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est fantastique. Moi, ça me dit « Wouhou! » C'est ça quand je parle « Wow! » Il y a un fleuve de vie. C'est pas un petit filet, c'est pas des gouttes d'eau, là. C'est pas que « Ah, ben là, j'étais un pauvre chrétien, tu sais, non, j'ai de la misère, ça marche pas, c'est difficile, la vie chrétienne. Hey, » c'est une fleuve. Il a mouillé, je sais pas si il a mouillé cette dernièrement, là, mais chez nous, il a tombé des, comme on dit, des cornes. Puis que des fois, quand je fais mes marches dans le Rhin, je voyais couler les ruisseaux, puis ça débordait, il y en avait de l'eau. Puis je me dis, la vie que Dieu a mis en moi par l'Esprit Saint, c'est un fleuve. C'est un fleuve. Savez-vous pourquoi c'est un fleuve? C'est pas pour que je me sente bien. C'est pour que ça puisse glorifier celui qui l'a mis en moi. Le fait qu'il coule un fleuve de vie de nous, les chrétiens, ça glorifie celui qui a mis cette vie-là en nous autres. Jésus a dit une autre chose par rapport au Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, verset 7. Je ne sais pas si tu peux le mettre, Jean 16, verset 7. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille et que vous recevrez le Saint-Esprit. Je suis pas mal convaincu que si je vous demanderais à tous les croyants, vous avez, aujourd'hui, tu as le choix d'avoir le Saint-Esprit dans ton cœur ou Jésus au côté de toi. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? La plupart d'entre nous, on voudrait avoir Jésus là. On voudrait avoir le personnage qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut parler avec. Mais Jésus dit, il vous est avantageux que je parte et que je vous envoie le Saint-Esprit ou le Consolateur. Donc, nous l'avons, nous qui croyons, nous l'avons. Nous l'avons en nous. Et qui est-ce qui contrôle? Qu'est-ce qui contrôle l'esprit? C'est-tu l'esprit qui me contrôle ou si c'est moi qui contrôle l'esprit? C'est l'esprit qui contrôle le croyant et non pas l'inverse. Mais des fois, quand on parle et quand on pense en tant que chrétien, on a l'impression que c'est nous autres qui contrôlons l'Esprit Saint. Comme on a parlé un petit peu hier, moi et Patrick, quand les gens disent « N'éteignez pas l'Esprit ». Des fois, les chrétiens ont l'impression, ou des fois, on donne aux chrétiens l'impression que le Saint-Esprit, c'est comme quasiment une switch de lumière qu'on peut faire « Ah! Ah! Je vais fermer le Saint-Esprit. » J'ai, moi, le pouvoir, François, d'éteindre l'Esprit de Dieu. Je pense que je me donne un pouvoir que je n'ai pas là. Je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas cette capacité-là d'éteindre Dieu, moi-là. Il faut bien comprendre que qu'est-ce que les textes veulent dire. On va en parler plus loin de ces textes-là. Mais c'est l'Esprit Saint qui habite en moi, qui contrôle ma vie, qui dirige ma vie. Et on, même si on ne s'en rend pas compte, même si vous ne le savez pas, moi, il y a plein de choses que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette petite boîte-là ici, là, qu'on appelle un ordinateur. Mais pourtant, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le Saint-Esprit a commencé à agir dans ma vie avant que je sache qu'il existait. Il a commencé à agir dans ma vie bien avant que je sache qu'il existait. Il a fait des choses dans ma vie qui sont grandioses, puis je ne savais même pas que c'est lui qui faisait ça. Mais pourtant, il les a faites quand même. Même si je ne savais pas. Je vais vous en nommer quelques-unes. Écoutez bien, sans que je puisse voir, que vous puissiez voir les versets, je vais les lire. Pas les lire, je vais juste les résumer. Dans Jean 3, c'est marqué qu'il régénère. Il m'a régénéré. Qui se souvient de la seconde qui a été régénérée? Et qui savait que tout d'un coup, il avait été régénéré? On ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte de ça, là, sur le coup. On dit, ça s'atouille, oh, ça fait mal. Ben non, c'est pas ça. Mais pourtant, il m'a régénéré avant que je sache que c'est lui qui pouvait me régénérer, avant que je sache qu'il était pour faire ça dans ma vie. Moi, quand on m'a parlé de l'Évangile, on m'a pas dit, attends-toi, là, à peu près un soir ou une nuit, à un moment donné, là, le Saint-Esprit va te régénérer. On m'a pas dit ça, là. On m'a dit de me repentir et de croire et que Dieu me sauverait, me donnerait la vie éternelle. Mais pourtant, le fait que je ne le savais pas, le fait que je ne comprenais pas, ça ne l'a pas empêché de le faire. Il l'a fait, ce miracle de la régénération-là en moi. Même si je ne comprenais pas et je ne savais pas. Mais une autre chose que la Bible nous dit, c'est qu'il m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Il m'a convaincu que j'étais un pécheur, il m'a convaincu que j'avais besoin d'être justifié, il m'a convaincu que j'étais sous le jugement de Dieu, mais j'étais pas conscient que Dieu faisait ça en moi. Je disais quoi? J'ai cru. Je n'étais pas conscient que c'est lui qui me faisait croire. Je n'étais pas conscient que c'est lui qui m'avait donné la repentance pour que je puisse me repentir. Je me suis repenti. Je lui avais dit, ben c'est moi qui t'ai donné la capacité de te repentir. Malgré que je ne savais pas, il le fait. Je vais le répéter souvent ce matin. Nous avons besoin de comprendre qu'il fait un paquet de choses, même si on n'est pas conscient. Et ça nous donne la paix, ça nous donne de la joie, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Je suis le bénéficiaire de ce qu'il a fait en moi. Il n'a pas dit, ben, François, je vais attendre que tu comprennes la régénération avant de te régénérer. Je ne suis pas encore régénéré. Mais il m'a régénéré parce que c'est sa mission. Sa mission, à lui, quand il est venu de la part de Dieu dans l'Église, c'était de régénérer ceux que lui avait choisis. Le Matthieu qu'on a vu ce matin qui a été appelé. Et je vais le régénérer. C'était son œuvre. Et je vais le convaincre de péché. Si un jour vous êtes convaincu de péché devant Dieu, et que vous savez que vous êtes pécheur, et vous savez que vous avez besoin d'être justifié, vous comprenez que vous êtes sur un jugement de Dieu, ça ne vient pas de vous. Ça vient de lui. Ça vient de lui. C'est lui qui vous a rendu capable de vivre ça. Une autre chose qu'il a faite, il m'a aidé à comprendre l'Évangile qui m'a été prêché. Je me souviens encore du dimanche au soir, à Saint-Rémy-de-Tinouic, si vous ne savez pas ce que c'est pas important, il y a juste une rue dans ce village-là. J'étais sur ma ferme, mon frère m'a parlé de l'Évangile. Pour une raison qu'on peut dire que j'ignore, ce soir-là, j'ai compris l'Évangile. Mais c'est lui qui m'a fait comprendre l'Évangile. Ma femme était assise au côté de moi, elle ne l'a pas compris. Pourquoi moi je l'ai compris? Pourquoi que la femme de mon frère qui était assise au côté de mon frère ne l'a jamais compris? Après 30 ans, elle ne comprend pas encore! C'est juste parce que l'Esprit Saint a fait comprendre à quelqu'un. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens, « Nul ne peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. » Quand l'Esprit de Dieu décide de faire comprendre l'Évangile à quelqu'un, la personne comprend. Comprend. Par la grâce de Dieu. Son cœur est ouvert. On a toutes sortes d'expressions, hein. On dit ses yeux sont ouverts. Son cœur est ouvert. Son intelligence. On a toutes sortes d'expressions dans la Bible pour dire ce moment-là de notre vie jusqu'à tout d'un coup, on dit, ben oui. Pourquoi j'avais pas compris avant? Certains d'entre vous, vous êtes comme moi. J'ai été élevé avec des crucifix dans toutes les pièces de la maison. Puis même des fois, on les avait accrochés après le coup. Mais on ne comprenait pas. On ne saisissait pas ce que ça voulait dire vraiment. Jusqu'au moment où l'Esprit Saint m'a fait comprendre. Mais ça, je n'étais pas conscient que c'est lui qui était en train de me faire comprendre ça. C'est par après que j'ai compris ça. Mais pourtant, il l'a fait, à ce moment-là dans ma vie, m'aider à comprendre l'Évangile. Une autre chose que je n'ai pas compris, c'est que la Bible nous dit dans Romains 6, il m'a uni à la mort et à la résurrection de Jésus. Le jour qui m'a régénéré et qui m'a donné la vie éternelle, il m'a uni, il m'a fait de moi une seule plante avec Jésus-Christ, il a fait de moi un seul corps avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu ma tête, je ne peux pas appeler ça comme ça. Il m'a uni à Dieu. Dans une union plus grande qu'on peut comprendre. Jésus l'a prié dans Jean 17, il dit, « Père, je veux qu'ils soient un, ensemble et avec nous, avec moi et avec toi. On veut devenir un ensemble. » Il m'a uni par la puissance de l'Esprit, par l'œuvre de l'Esprit, c'était son rôle, c'était sa mission, d'unir tous les croyants ensemble avec la tête qui était Jésus-Christ. Moi, je n'étais pas conscient de ça, pas en tout. Je n'ai pas compris ça avant des mois dans ma vie chrétienne. Que tout d'un coup, François, que je me souviens quand j'ai lu le Romains 6, les preuves, waouh! Je fais une même plante. Je suis uni à la mort du Christ. Je suis uni à sa résurrection. Waouh! C'est vraiment grandiose, mais ça, on ne comprend pas ça. Mais c'est pas à cause qu'on ne comprend pas que ce n'est pas fait. Ça a été fait. Bien avant que je le comprenne, bien avant que je le saisisse. Pour moi, c'était simple. J'avais été sauvé, mes péchés étaient pardonnés, puis c'était simple de même. Mais en lisant, on s'aperçoit que dans le monde invisible, à l'intérieur de moi, dans ce que je voyais pas, il se passait des miracles épouvantables et grandioses. Mais ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Vous ne pouvez pas, vous, rien faire pour que ça se passe. C'est lui qui a décidé que ça se passerait comme ça. C'est lui qui a décidé d'aller dans le cœur des élus, dans le cœur de ceux que Dieu avait choisis de toute éternité, dans le cœur de ceux que Dieu avait écrit dans le livre de la vie. L'Esprit Saint est allé accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Va régénérer François. Va l'unir à mon fils Jésus. Va lui faire comprendre l'Évangile. Va lui ouvrir les yeux. Va lui donner la vie. Il est venu le faire. Il est venu le faire. Il m'a donné des dons. Et quand il est venu habiter en moi, il m'a donné des dons souverainement, sans que j'en sois conscient, sans que je le sache. J'ai prêché l'Évangile bien avant de comprendre que j'avais reçu un don de prêcher. Je ne savais pas, moi. Je prêchais l'Évangile, mais je lis la Bible, de quoi? Hop, ça vient du Saint-Esprit, cette affaire-là. C'est l'Esprit qui m'a donné des dons. Pour faire ça. Ah! Là, au lieu de me vanter, je commençais à le remercier. Un peu plus. Merci de m'avoir donné le don de. Merci de m'avoir donné la capacité de. Mais c'est toi qui m'as donné la capacité. Je n'ai pas reçu le don parce que j'étais un bon chrétien. J'ai reçu le don. Ça va m'aider à servir mon maître, mon Seigneur. Les dons que vous avez reçus ne dépendent pas de vous. C'était une œuvre souveraine de Dieu. Il dit ça dans le Corinthien. Hein? Il dit, il distribue les dons selon sa propre volonté. À qui il veut, comme il veut. C'est quelque chose qu'il fait en moi sans que j'en sois encore conscient. Comme on a dit tout à l'heure, il nous fait comprendre les Écritures. Vous avez écouté un sermon, vous écoutez une vidéo, vous lisez votre Bible, vous lisez un livre, vous écoutez un pasteur prêcher, vous écoutez un autre frère et sœur qui parle de Dieu. C'est lui qui va venir par l'Esprit de Dieu qui est en vous, puis il va vous faire comprendre cette vérité-là. Il va vous la faire comprendre. Et ça va agir en vous. Ça va vous transformer. Ça va vous amener à comprendre. Waouh, Dieu est plus grand que je pensais. Dieu, il fait ça. Je pensais qu'il faisait pas ça, mais il fait ça. Mais c'est l'œuvre de Dieu en vous qui fait ça, le Saint-Esprit. Même si on n'en est pas conscient. On ne sent rien, là. Mais il fait en nous. La Bible nous dit qu'il rend témoignage, l'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Quand je me suis levé ce matin-là, puis j'ai dit à Denise, j'ai été sauvé, je suis un enfant de Dieu. C'était l'œuvre de l'Esprit en moi, ça. Non, ça va pas moi, c'était ça. Mais c'est ça que la Bible me dit qu'il a fait. Quand, si je peux dire que je suis un enfant de Dieu, c'est le témoignage de l'Esprit Saint en moi qui fait que je peux dire ça. 99,5% de la population québécoise ne dit pas ça. C'est fort, hein? 99,5% de la population québécoise ne dit pas ça. Il y a 0,5% 0,5 de 1% qui se déclare enfant de Dieu aujourd'hui. C'est un œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est une œuvre de l'Esprit Saint en nous. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1 que le Saint-Esprit, c'est une puissance qu'on reçoit qui nous donne la capacité d'être un témoin de la part de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, bien des chrétiens ont témoigné la même journée qu'ils ont été sauvés, puis les journées qui ont suivi après. Mais ils le faisaient par la puissance du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, il va venir sur vous, et vous allez être mes témoins à travers le monde. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et tout ce que je vous dis là, c'est pour vous compreniez que le Saint-Esprit fait un paquet de choses dans nos vies sans qu'on en soit conscient. Sans qu'on le sache que ça vient de lui. Sans qu'on le sache. Pensez-vous que le larron sur la croix, dans les quelques heures de sa foi, avait compris ça? Ben non, il n'avait pas compris ça. Il l'a-tu fait? Ben oui, il l'a fait. Il a dit, tu es le roi. Tu es le Messie. Il l'a proclamé devant tout le monde. Il dit, souviens-toi de moi quand tu vas venir dans ton règne. Tiens, tu t'en viens au ciel avec moi ce soir. Il était-tu conscient que c'était l'Esprit Saint qui travaillait dans lui, qui l'a amené à comprendre ça, qui l'a amené à le proclamer devant tout le monde, qui l'a amené à témoigner que le Jésus mourant qui était là était le Messie, le roi d'Israël? Ben non, il n'était pas conscient que c'était l'Esprit Saint qui l'amenait dans cette direction-là. Mais pourtant, l'Esprit Saint l'a bien fait. Nous, maintenant, par les Écritures, on sait que c'est l'Esprit Saint qui a fait faire ça. Mais lui, il ne savait pas, là, que c'était l'Esprit Saint. La Bible nous dit dans Romains 8 qu'il intercède, l'Esprit Saint intercède auprès du Père pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il demande. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Mais la Bible me dit qu'il le fait. Il intercède auprès de Dieu pour moi. Il dit, vous ne savez pas quoi demander dans vos prières, mais l'Esprit Saint, qui connaît la pensée de Dieu, intercède pour vous auprès de Dieu. J'ai bien plus confiance, j'espère que je ne vous insulte pas quand je dis ça, j'ai bien plus confiance à ses prières qu'aux miennes. Quand lui parle à Dieu pour moi, là, ça marche. Ça fonctionne. Ça l'arrive. Ça va de l'avant. Vous devez imaginer comme ça, moi, une fois je m'étais imaginé, l'imagination, là, hein, que J'étais entouré de, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et toutes les trois ont, ont une œuvre qu'ils font en moi pour que ce qu'ils ont planifié pour moi arrive. C'est vraiment merveilleux de penser ça. Alors, si vous êtes dans votre salon, imaginez-vous ça, que la Trinité est à l'œuvre en vous pour que le Père soit glorifié. Je crois, personnellement, qu'on s'arrête bien trop. C'est pas qu'il faut pas s'arrêter, mais on s'arrête bien trop à ce que je peux faire et ne pas faire, ce que je suis pas capable de faire, ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire. On s'arrête bien trop à ça dans notre vie chrétienne, plutôt de penser et de méditer sur ce que Dieu est en train de faire, ce que Jésus est en train de faire, ce que l'Esprit Saint est en train de faire, ce qu'ils sont en train d'accomplir dans le monde. Quand je pense à eux, je suis encouragé et stimulé dans ma foi. Quand je pense à moi, je suis démoralisé et découragé. C'est ça que ça fait dans ma vie. Je ne sais pas si ça fait ça dans vous, mais ça fait ça dans la mienne. Et un autre, dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'il nous remplit, le mot remplir, on va en parler ce matin, il nous remplit de sagesse, il nous remplit de joie, il nous remplit d'intelligence, il nous remplit. C'est qui fait ça? C'est l'Esprit qui fait ça en nous. Il dit, nous en rend, les disciples étaient remplis de joie. C'était l'œuvre de qui? De l'Esprit Saint qui les donnait de la joie. L'Esprit Saint qui leur donnait de la sagesse. Pensez-vous que tous les chrétiens des Actes des Apôtres comprenaient tout ça? Ben non. Ils ne comprenaient pas tout ça. Pas plus que nous, on comprend tout ça. Mais ça n'empêche pas l'Esprit Saint de faire l'œuvre qu'il avait à faire parmi les apôtres qui étaient là et les chrétiens. C'est pour ça que si vous lisez les Actes des Apôtres, il y a 60 quelques fois qu'il nous parle du Saint-Esprit qui fait quelque chose. Il nous parle plus souvent de ce que l'Esprit fait que ce que les apôtres font. C'est important de savoir ça. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit, on ne devrait pas appeler ça les Actes des Apôtres. On devrait appeler ça les Actes du Saint-Esprit. Parce que, justement, c'est ce que je crois personnellement, c'est juste pour ça que Luc a écrit les Actes des Apôtres. C'était pas pour qu'on prenne, qu'on devienne extasié devant ce que Paul faisait. C'est pas qu'on devienne extasié devant les miracles de Pierre. Ce que Luc démontre le plus à Théophile, c'est, regarde, l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas l'œuvre d'un homme. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre d'un homme ou des hommes. C'est ça qu'il voulait que Théophile comprenne, que l'Église, c'est un miracle de Dieu. Non pas des hommes qui se lèvent, qui sont des super spirituels. Ben non. Enlève le Saint-Esprit des Actes des Apôtres, ils sont tous enfermés dans la chambre haute encore. Il ne se passe rien. Il ne se passe absolument rien. C'est une gang de psus. Ils n'ont pas de tout. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas Jésus et pourquoi il est ressuscité. Ils ne comprennent pas pourquoi il est mort. Ils ne comprennent pas. C'est juste quand ils reçoivent l'Esprit de Dieu, puis qu'ils ont l'aide de l'Esprit de Dieu, qui disent, oh! Hey, moi, j'ai tout le temps, regardez, là, des fois, on prend l'Évangile, puis on prend les dernières pages, puis on voit les apôtres, ils sont tous cachés dans la chambre haute, ils ont tous peur, ils ne bougent pas. Puis Pierre renie, puis l'autre se cache, puis il abandonne tout Jésus. On tourne la page, on arrive dans les Actes des Apôtres, waouh! Ils sont debout partout, puis ils prêchent l'Évangile devant des dizaines de milliers, puis tout d'un coup, ils ont du courage, ils ont de la force. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pages? Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu et ça a changé la vie de cette gang de monde-là. Et qui, à cause du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu s'est faite pendant ces 30 ans-là. Et moi, je crois que l'œuvre de Dieu se fait depuis 2000 ans dans le monde entier. Et c'est pas à cause des chrétiens. Et c'est à cause du Saint-Esprit qu'utilise les chrétiens pour faire son œuvre. Et à cause de ça, nous donnons la gloire. Et il y a une autre chose qui fait en nous, sans qu'on s'en rende compte, au début, avant notre vie chrétienne, c'est qu'il nous donne le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, n'as-tu qui peuvent les nommer? N'as-tu qui s'en souviennent? On peut essayer, en gang, on devait réussir à toutes les ramasser. L'amour, la patience, la paix, on a dit la joie, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la tempérance, hein, c'est tout. Ça, il vient, le Saint-Esprit vient, puis il vient avec lui, là. Il vient dans moi, puis il emmène ça avec lui. C'est dans sa valise, ça. Il s'en vient avec nous, avec ce don-là, ce fruit-là de l'Esprit. C'est pas le fruit de François avec l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit en François, pour que François vive ces choses-là. François ait de la joie, de la paix, de la persévérance, de la maîtrise. C'est son œuvre en moi. C'est pas moi qui œuvre ça par l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui œuvre ça à travers moi. Mais ça, là, le fruit de l'Esprit, je l'ai eu le jour de mon baptême dans l'Esprit. Hein, mon baptême du fait que je suis né de nouveau, il est venu avec ça, et je l'ai, puis je ne savais pas. J'ai découvert ça à travers le temps. Qu'est-ce que lui faisait en moi? Quand j'avais des joies qui venaient de la vérité, qui venaient de Dieu, c'est une joie qui vient de l'Esprit. C'est pas moi qui l'a produit, cette joie-là. C'est une joie qui vient de l'Esprit-Saint. C'est son fruit en nous qui fait ça. C'est pour ça, comme je disais à Patrick ce matin ou hier soir, on s'en est dit des choses dans une journée et demie, vous ne savez pas comment on s'en est dit. C'est pour ça que quand je vais arriver au ciel, que la Bible nous dit que je vais prendre ma couronne, puis je vais la tirer à ses pieds. Ça ne dépend pas de moi. Je n'ai rien fait. Si je suis ici, c'est à cause de toi. Je ne garde rien. Je ne garde rien de aucune gloire pour moi, aucune vantardise. Au moins, à ce moment-là, je ne suis plus orgueilleux. Il va prendre la colonne, il va dire, c'est à cause de toi que ça s'est fait, tout ça. C'est à cause de toi. C'est ça que la Bible nous dit. C'est parce que c'est vrai, c'est tout lui qui a fait en nous. Je puis rien sans toi. Mais je puis tout par toi. C'est ça que la Bible nous enseigne. Et donc, ce que je voulais vous passer pendant presque cette demi-heure-là, c'est que si vous comprenez juste ça ce matin, l'Esprit Saint est venu en vous par la volonté de Dieu, pas par votre volonté. Si Dieu ne vous a pas donné l'Esprit Saint parce que vous l'avez demandé, il vous l'a donné dans sa souveraineté parce qu'il avait fait une promesse. Il dit aux disciples, ne bougez pas d'ici, restez à Jérusalem, allez pas nulle part, essayez pas rien, faites rien, attendez, dans quelques jours, le Saint-Esprit va venir sur vous, et là, il va vous conduire. Et là, il va vous montrer quoi faire. Et là, il va vous diriger. Puis là, on le voit faire pendant 30 ans. Mais il dit, bougez pas. Le Saint-Esprit va venir sur vous, puis il va faire des choses en vous. C'est sa volonté, c'est sa souveraineté, c'est à ses promesses. Oh, j'ai pas gagné le privilège d'avoir le Saint-Esprit. J'ai pas gagné ça. Mais quand il vient à moi, il vient et, oubliez bien, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, c'est une personne puissante. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas une puissance, c'est une personne qui a de la puissance. C'est bien différent, ça. Puis la personne du Saint-Esprit, on a de la misère, hein, quand je dis aux gens, fermez vos yeux, puis que je dis, Saint-Esprit, trois quarts, 80%, voyez une colombe. Ou un oiseau. Pensez-vous comme ça? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a entendu, hein, le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous une forme de colombe, et tout ça. On voit une colombe. Mais, c'est pas mal, là. Mais mettez-y des oreilles, puis, des cheveux, puis, faites-en un humain un peu quelque part. Puis quand il vient, cet être-là, qui est un être, comme Dieu est un être spirituel, Jésus est un être spirituel avant de venir sur la terre, quand il vient en nous, il vient complètement. C'est une personne, il vient pas, moi j'ai la tête, toi t'as le bras, puis l'autre t'as les pieds, puis, non, c'est une personne qui vient habiter en moi, une personne. Elle vient avec tout ce qu'elle est. Elle vient avec sa puissance, elle vient avec sa mission, elle vient avec tout ce qu'elle est. Elle entre en moi complètement une personne. C'est drôle, hein, parce que on est possédés, nous autres. On est tous des possédés de Dieu. Il y en a qui sont possédés du diable, la Bible nous parle, ils sont possédés de démons, parce qu'il y a des démons qui rentrent en nous autres. Nous, ce qui est rentré en nous, c'est Dieu. On est possédés par Dieu. Dans la Bible, on voit des gens démoniaques qui font des choses qu'ils n'auraient pas faites si le démon n'était pas là. C'est le démon qui prend le contrôle. Quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, mes frères et sœurs, il prend le contrôle. Il prend le contrôle. C'est ça que qui me réjouit le plus. Il prend contrôle. Ça ne veut pas dire que je deviens parfait. Non, non, non. Mais il prend même contrôle de mes imperfections. Il a assez de pouvoir et de puissance sur cet esprit-là, qui prend même François dans ses pires moments noirs, puis il peut édifier quelqu'un avec ça. Il peut prendre François dans ses moments de ténèbres spirituelles, si je peux dire ça comme cela, de péché. Il va même m'utiliser à ce moment-là pour faire de croire que lui veut se glorifier avec. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que la Bible dit. Le moment le plus noir de la race humaine, c'est quand que la race humaine a pris son Dieu et l'a mis sur le croix. Le moment le plus noir de la race humaine, elle a pris son propre Dieu, puis elle l'a mis sur une croix, puis elle a blasphémé son Dieu. Et Dieu a assez de pouvoir qui dit, à part cette croix, je vais vous sauver. Il a pris le moment le plus noir de l'être humain, puis il a sauvé la race humaine à travers ça. Fait que faites-vous-en pas avec nos moments noirs. Je vous dis pas, faites-en, c'est pas grave, c'est pas ça que je vous dis. Mais il y a assez de puissance et de pouvoir pour utiliser même ces moments-là de notre vie. C'est pour ça que des fois, vous allez entendre des témoignages de gens qui sont venus au Seigneur pendant qu'un autre chrétien parlait puis qui faisait toutes sortes de conneries puis c'était pas son intention. Puis, pourtant, le Seigneur va utiliser même ça pour faire de quoi avec. Des fois, je me couche le soir puis le Seigneur, je peux pas te présenter ma journée puis dire, elle est tellement pure et belle, cette journée-là que j'ai faite, elle est tellement sainte et parfaite que je te l'offre. Je peux pas dire ça jamais. Je sais pas si vous autres pouvez le dire, mais moi, je peux pas le dire. Mais je peux dire, Seigneur, dans ta puissance, dans ta grâce, tu peux utiliser cette journée que j'ai vécue pour te glorifier. Tu sais pas comment? Pas comment tu vas faire. Mais j'ai la foi que tu vas prendre la journée que j'ai vécue et que tu vas te glorifier avec ça. Je me couche puis je dors. Je me couche puis je dors. J'ai pas confiance dans ma capacité. J'ai confiance dans sa capacité. Il peut prendre ma journée qui est imparfaite, qui peut faire des choses pour se glorifier à travers ça, dans la vie des gens. Mais ce même esprit qui vient en nous, il fait des œuvres qu'on appelle des œuvres ponctuelles. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut dire ça? Une œuvre ponctuelle, ça veut dire quoi? Une fois, hein? Ça se fait une fois. Ponctuelle. Paf. Quand je dis je suis ponctuel, c'est que j'ai arrivé à l'heure. À 7 heures. Je suis ponctuel. L'esprit fait des œuvres ponctuelles en moi, puis il fait aussi des œuvres continuelles. Ça veut dire qu'il œuvre toute ma vie chrétienne, il fait certaines choses en moi. Mais il y en a d'autres qui font en moi, qui font ça une fois, puis c'est fini. Nommez-moi-en donc des œuvres ponctuelles que l'esprit fait en nous, les chrétiens. La régénération, c'en est une. Ils m'ont régénéré une fois, et c'est fini. Il a transformé mon être morte, mon corps mort, et il a donné la vie. Ça, c'est fait une fois pour toutes. Notre œuvre. La Bible ne parle pas comme ça. L'œuvre du Saint-Esprit va appliquer ça. Mais c'est le Dieu qui pardonne. OK? La plénitude. Oui, OK, donc, il vient habiter en nous. Il vient habiter en nous, puis il nous remplit. Une fois. Fini. Il nous a baptisés en Jésus-Christ. Une fois. C'est fini. Il n'y a pas une baptise, une débaptise, une baptise, une débaptise. Il m'a baptisé une fois. C'est fini. Il m'a uni au Christ, comme on a vu tout à l'heure. Il m'a uni au Christ dans sa mort, dans sa résurrection. C'est fait. C'est une fois. Je suis uni pour l'éternité avec lui. Il ne va pas recommencer à tous les jours. C'est fait. Il m'a baptisé. Il m'a donné la vie éternelle. C'est une fois. C'est fini. J'ai la vie éternelle. C'est pas vous comprenez comment, là. J'ai la vie éternelle, jamais plus, jamais moins. Quand il m'a donné la vie éternelle, il m'a donné la vie éternelle. Il m'a pas donné, bon, je vais t'en donner un petit peu, là. Si t'es gentil, demain, je te donnerai un petit peu plus. Si t'es gentil, il va te donner un petit plus. Pour que finalement, là, quand tu vas arriver au ciel, tu vas l'avoir tout. Ben non. Il nous la donne, cette vie-là, cette vie éternelle-là, il nous la donne une fois, et je suis spirituellement et éternellement vivant. Ça, c'est ponctuel. Il fait ça une fois. Mais il y a des œuvres qu'il fait en nous qui sont continuelles. Comme me faire comprendre les Écritures. Ça, c'est continuel. Il est toujours là dans moi en train de travailler pour m'aider à comprendre les vérités. Hier, j'étais chez Patrick, comme vous avez deviné déjà. Lui, il est allé faire dodo. C'est des jeunes qui se couchent de bonne heure. Moi, j'étais un vieux, je me couche tard. Donc, j'étais en bas, sur le lit, puis avec la technologie qu'on a aujourd'hui, j'étais avec mon laptop, j'étais sur Internet, sur YouTube, et j'écoutais des vidéos sur la création de Dieu. Je louais Dieu tout seul, dans ma chambre. La grandeur de ce qu'il a fait. Puis savez-vous que la plus grande œuvre, c'est nous. C'est pas les milliards de galaxies la plus grande œuvre de Dieu. L'apogée de sa création, c'est nous. La cerise sur le sundae, c'est nous. Il a créé le monde, ensuite, il a fait François. Nous autres, hein? Ensuite, il dit, je vais faire maintenant l'être humain qui va gérer ce monde-là que j'ai fait. C'est nous, la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. On est beaucoup plus complexe, nous, que les milliards de galaxies. Il y a plus de neurones ici qui disent qu'il y a des étoiles dans le monde. On est toute une machine. Des fois, j'ai à ma femme, je me suis acheté un nouvel ordinateur, il est capable. Je me suis acheté une bombe. Mais c'est un grain de sel comparé avec mon cerveau. Tu as un ciel par rapport à mon cerveau, comment il fonctionne. Mais c'est lui qui nous fait comprendre ça. Moi, des fois, j'écoute une émission de télévision, le gars est en train de dire que ça dépend de l'évolution, puis les milliards d'années. Puis moi, je suis assis dans mon divan, puis j'écoute ça, je dis, ah, oh, Dieu, t'es grand pour faire ça. Le gars, au côté, je dis, t'es d'un patate. Mais moi, ce qu'il a dit est vrai. Il l'a vu dans son télescope. Mais moi, je dis pas que c'est l'évolution. Moi, je dis, c'est Dieu qui a fait ça, là. Mais ça, c'est qui fait ça? C'est l'Esprit Saint qui est dans François qui fait ça. C'est lui qui mène à comprendre ça. Donc, on écoute des vidéos, on écoute des sermons, on lit des livres. L'Esprit Saint travaille en nous continuellement, 24 heures sur 24. Il veut nous aider à comprendre les vérités que nous entendons de la part de Dieu. C'est ça qu'il veut faire. C'est ça. C'est sa mission. C'est sa mission. Moi, j'ai été envoyé pour que tu vois le Père. J'ai été envoyé pour que tu vois le Fils et que tu le glorifies. C'est mon rôle. Une autre chose qui est continuelle, c'est il intercède auprès de moi, auprès de Dieu, il intercède continuellement auprès de Dieu pour moi. Des fois, on dit que Jésus intercède pour nous, puis on ne pense pas souvent à ce que Saint-Esprit intercède. Moi, je crois. Vous pouvez croire autre chose. Moi, je crois que Jésus a intercédé une fois pour moi, puis cet esprit intercède toujours pour moi. Je crois que Jésus a dit une fois, il a dit dans Jean 16, il dit, je ne prierai plus pour vous autres. Vous allez vous autres même prier maintenant. Vous autres même, vous allez vous approcher auprès du Père. Il a intercédé dans le contexte, lisez bien le contexte de ce passage-là. Quand il a intercédé pour moi, c'est pour me mettre en relation avec le Père. Il a intercédé auprès du Père pour mon salut, pour que j'aie la vie éternelle. Et ensuite, c'est l'autre consolateur qui prend la relève, et lui, il intercède toujours auprès du Père pour moi. Afin que je puisse atteindre le but ou la mission que lui veut faire avec moi. Ça, c'est continuel. Son fruit, le fruit de l'Esprit en moi, ça, c'est continuel. Il va me donner de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté. C'est lui qui œuvre ça en moi. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai dit là. C'est pour, juste pour faire comprendre que le Saint-Esprit œuvre en nous. Il va nous utiliser sans qu'on soit conscient de tout ce qu'il fait. Puis moi, je vous dirais personnellement que les plus grands théologiens qui comprennent le mieux et ceux qui comprennent le moins, qui ont été ils ont eu moins de privilèges, ils ont moins de capacité intellectuelle, ils ont moins été exposés à la Bible. Mais qu'elle est devant Dieu, la mission de l'Esprit va avoir été accomplie dans les deux. Parfaitement. Don Carson, que j'ai entendu hier sur l'Internet, dit par un autre, que lui il croit que c'est peut-être le plus grand théologien sur la planète maintenant, n'arrivera pas au ciel dans une meilleure position que moi. L'Esprit va avoir accompli son œuvre dans Don Carson, puis il va avoir accompli son œuvre dans François. Et toutes les deux vont être à l'image de Jésus-Christ pour l'éternité, selon Romains 8. C'est, toutes les deux vont arriver à la même place. Le Saint-Esprit a une œuvre à accomplir en nous et va l'accomplir dans tous les croyants, sans exception, sans privilège, sans exception de personne, il va l'accomplir en nous dans ce sens-là. Donc, ce matin, j'ai fait mon introduction. J'aimerais que ça mijote dans votre tête pendant le mois avant que je revienne. Et si je pourrais vous conseiller et vous encourager, peut-être qu'ils vont mettre ça sur un site internet à quelque part, et juste avant, la semaine avant que je revienne, de réécouter ça. Je sais que je vous en demande beaucoup, là, mais de réécouter ça, pour que quand je vais commencer, parce que la semaine prochaine, le mois prochain, on va commencer là, qu'est-ce que ça veut dire pour le croyant d'être rempli par l'Esprit? Mais quand on va parler d'être rempli de l'Esprit, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit ce matin. Il ne faut pas séparer ça, que cette personne-là qui est en moi a une mission qu'il va accomplir en moi. Il ne faut pas que je le sépare, puis je dis, maintenant, je prends à être rempli de l'Esprit, puis là, je commence à dire, là, ça dépend de moi, ça. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, être rempli de l'Esprit? Comment ça se passe en nous? Et si vous voulez faire une recherche personnelle, savez-vous qu'il y a juste un auteur dans la Bible qui emploie cette expression-là? Deux, je devrais dire. Un l'a employé qu'une fois, puis l'autre l'a employé toutes les autres fois. Il y a juste un auteur, vraiment, qui emploie l'expression « être rempli d'esprit ». Savez-vous c'est lequel? C'est Luc. C'est juste Luc qui emploie ça. Dans son Évangile et dans les Actes des Apôtres, il est le seul qui emploie l'expression dans toute la Bible « être rempli d'esprit », accepter l'apôtre Paul une fois dans Éphésiens. Mais Luc, c'est important qu'on voit qu'est-ce que Luc voulait dire par cela. Parce que même Jésus n'a pas employé l'expression. C'est Luc qui amène ça, puis il explique ce qui se passe par Pierre étant rempli de l'Esprit, Paul étant rempli de l'Esprit, les disciples étant remplis de l'Esprit. C'est lui qui emploie Zacharie, quand Jean-Baptiste est au monde, l'Esprit-Saint a dirigé Zacharie, et c'est lui qui fait toute cette œuvre-là. Donc, on va regarder, fait que vous imaginez qu'on va regarder dans Luc puis dans les Actes des Apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a beaucoup de nuances parmi les croyants. Ça passe quasiment du noir au blanc entre les croyants. Si vous lisez les livres qui parlent à être remplis de l'Esprit, vous allez voir que les chrétiens ne s'entendent pas toutes sur l'expression. Ils ne voient pas tout ça de la même façon. C'est correct. Mais ce qui me réjouit, ça ne l'empêchera pas lui de faire ce qu'il a à faire. Ça ne nous empêche pas de nous de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous savez, l'autre jour, j'étais allé voir mon médecin. Puis là, je parle à mon médecin, puis j'explique qu'est-ce que je vivais, puis tous les petits problèmes que j'avais. On vieillit, vous savez, puis toutes sortes de bosses qui sortent partout, puis toutes sortes de petits problèmes. Puis là, j'explique ça à madame, puis là, je dis, blablabla, j'explique tout ça, puis elle dit, ah, vous savez, le corps humain, c'est mystérieux. Ça ne m'a pas vraiment encouragé. J'ai pas vraiment pris confiance qu'elle trouverait mon problème. Là, elle dit, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe en vous, M. Nolette. Parce que moi, j'ai été opéré pour l'estomac et j'ai été opéré pour le foie. Donc, mon système digestif est pas mal amoché. Fait que je vais vous expliquer, M. Nolette, comment ça fonctionne. Quand je suis parti, j'étais encore malade, mais je comprenais mieux comment je fonctionnais. Et vous savez que des fois, à cause que je comprends mieux, il me semble que ça fait moins mal. Savez-vous ça? Puis quand que je comprends mieux, je suis moins inquiet. Même si j'ai le même problème, je suis juste moins inquiet. Parce que je comprends bien qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps. Je ne suis pas en train de crever, là. Ça fait mal. T'as ci, t'as ça. Mais tu n'en creveras pas de ça, mon arrêt. Ah! OK. C'est moins pire que je pensais. Ça, c'est pareil comme en mécanique. Je comprends rien vraiment en mécanique. Chaque fois, mon moteur arrête. Moi, dans ma tête, mon moteur est sauté. Je comprends rien. Fait que là, ah, oh, il est fini. Il va falloir que je change de char. Puis là, pendant toute la journée, je me pose des questions. Puis comment ça va me coûter? Ah, peut-être que j'ai pas l'argent pour payer ça. Puis là, finalement, je vais voir le médecin mécanique. Je vais voir le mécanicien, puis il me dit, ben non, François, c'est rien, c'est juste ça, il faut changer, ça coûte 32 piastres. Ah! Pendant toute la journée, à cause que je comprends pas bien, j'étais inquiet. Je me suis fait des sortes de chimères dans moi. Je me suis fait des inquiétudes pour rien. Pour rien. Et dans la vie chrétienne, mes chers frères et sœurs, combien de fois je parle avec des chrétiens, combien ils s'en font pour rien. Comment des fois on est inquiet pour rien? Si on savait comment ça fonctionne vraiment, on se réjouirait. Même dans la prison avec Paul, on chanterait des cantiques. On ne serait pas si inquiet que ça. On ne serait pas si traumatisé que ça. J'ai passé ma vie de pasteur à écouter des chrétiens inquiets, découragés. Puis des fois, c'est moi qui les inquiétais, puis c'est moi qui les décourageais. Mais si on comprend bien qu'est-ce que Dieu est en train de faire, ce que le Saint-Esprit est en train de faire, ça va nous réjouir et ça va vous pousser. Moi, je vous dis, plus vous allez méditer qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelle est sa mission en vous, ça va faire ce que vous voulez faire. Ça va vous pousser à louer et à adorer Dieu. C'est ça que vous voulez faire. C'est ça que je veux faire. Parce que l'Esprit Saint, c'est ça qu'il veut que je fasse. Mais plus que je pense à ça, plus que je médite là-dessus, plus ça me pousse à faire la chose pour laquelle j'ai été créé, adorer mon Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, tout ce qu'on peut faire ce matin, après ce qu'on a entendu, c'est te dire merci que tu as mis ton esprit en nous. Merci que son œuvre dépend de toi et non pas de nous. Merci que la mission que tu as confiée, nous avons la certitude qu'il va l'accomplir parce qu'il est Dieu. Merci que nous savons qu'il va œuvrer en nous pour nous emmener à être à l'image de Jésus-Christ pour l'éternité. Sans aucune exception, tes enfants vont tous arriver à bon port. Et pour l'éternité, nous serons dans ta présence et nous allons t'adorer et te louer pour cette œuvre que tu as faite. Seigneur, aide-nous dans les mois qui viennent à méditer sur l'œuvre de l'Esprit afin qu'on puisse mieux comprendre comment nous fonctionnons, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu es en train de faire afin que nos cœurs s'élèvent dans l'adoration et dans la louange. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.